L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Deux études parues cette semaine dans la revue britannique Nature confirment que de multiples explosions de supernovas ont irradié la Terre il y a quelques millions d'années. La première étude rapporte la découverte de traces d'un isotope rare du fer au fond des océans, le fer 60, seulement produit au cœur des supernovas. Et la seconde étude modélise quelles ont pu être les supernovas responsables de cet apport radioactif dans le voisinage du système solaire. Ces deux études indépendantes sont tout à fait cohérentes entre elles. Dieter Breitschwert du Berlin Institute of Technology et ses collaborateurs ont modélisé ce que les chercheurs appellent la bulle locale, une région de gaz chaud large de 600 années-lumière qui semble entourer le système solaire. Les astrophysiciens allemands, grâce à la modélisation de la distribution spatiale du fer 60, ont trouvé que cette vaste structure a dû être produite par l'explosion d'un grand nombre de supernovas par effondrement de cœur, des supernovas de type 2, entre 14 et 20 supernovas faisant toutes partie d'un même groupe d'étoiles en mouvement. Ils parviennent à estimer non seulement quelles étaient leur masse et leur position exacte, mais aussi les quantités de fer 60 qui ont été injectées au sein du système solaire au cours de son mouvement à proximité du lieu des explosions. Les deux explosions de supernova les plus récentes, modélisées par Breitschwert et al., datent respectivement de 1,5 et 2,3 millions d'années. Le fer 60 est un isotope du fer qui comporte 4 neutrons en plus par rapport à l'isotope le plus abondant naturellement et stable, le fer 56. Il n'est produit que lors de l'explosion d'une supernova quand le cœur de fer capture des neutrons rapides et thermiques successivement. Le fer 60 est radioactif, émetteur bêta-gamma, avec une demi-vie, c'est-à-dire la durée durant laquelle la moitié des noyaux a subi une désintégration, de 2,6 millions d'années. Les premières traces de fer 60 sur Terre ont été trouvées en 1999 sur le plancher océanique du Pacifique. Elles indiquaient un âge du dépôt d'environ 2 millions d'années. Mais de nouvelles mesures de fer 60 sont rapportées cette semaine dans le même numéro de Nature. Cette fois-ci, beaucoup plus nombreuses, avec 120 échantillons rapportés et disséminés sur de nombreux points du globe, dans les océans Indien, Pacifique et Atlantique. Ces nouvelles mesures de fer 60 retracent ainsi près de 11 millions d'années de l'histoire de la Terre. Elles montrent un pic d'abondance du fer 60 il y a entre 1,5 et 3,2 millions d'années. Cette large période a surpris le physicien Anton Wallner de l'Australian National University à Canberra et ses collaborateurs qui ont mené cette étude. L'équipe de Wallner trouve également une forte abondance de l'isotope 60 du fer, plutôt entre 6,5 et 8,7 millions d'années. Mais c'est le premier dépôt qui semble le mieux correspondre à la modélisation de l'équipe de Dieter Breitschwert. Les chercheurs australiens conclut à l'existence de multiples événements de type supernova à proximité dans les 10 derniers millions d'années. De plus, les deux équipes, à partir de leurs résultats, des simulations pour l'un et des mesures pour l'autre, calculent la distance qui devait être celle des supernovas et tombent sur la même valeur, 300 années-lumière au maximum. C'est proche. La date présumée de cette série de supernovas correspond, sans que l'on puisse faire une corrélation encore à ce stade, à un événement sur Terre qui correspond à un refroidissement général du climat et le passage du Pliocène au Pléistocène, il y a environ 2,5 millions d'années. Au-delà d'un impact éventuel sur le climat terrestre, de telles explosions stellaires auraient été assez proches de la Terre pour éclairer le ciel autant que la pleine Lune, mais tout de même trop éloigné pour l'affecter sévèrement ou causer une extinction de masse, d'après Adrian Mellott, spécialiste de l'Université du Kansas. Mais il ajoute, ces événements ne sont tout de même pas suffisamment éloignés pour que l'on puisse tout à fait les ignorer. Les deux articles parus dans Nature aujourd'hui même sont intitulés The Locations of Recent Supernovae Near the Sun from Modeling Iron 60 Transport par Breitschwert et al. Et Recent Near-Earth Supernovae Probed by Global Deposition of Interstellar Radioactive Iron 60 par Anton Waldner et al. Donc dans le même numéro de Nature du 7 avril 2016. À très bientôt sur Ça se passe là-haut, sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Ce podcast est à retrouver sur iTunes, sur podcloud.fr ainsi que sur YouTube. À très bientôt, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre.